Le ministère des Ressources naturelles a signé, du Québec, on s'entend, a signé une entente avec Osisko Exploration pour la restauration du site orphelin de la East Malartic. Ce sont les résidus de la future mine d'or à ciel ouvert de Malartic qui serviront à restaurer East Malartic, site dont la responsabilité est assumée par Québec depuis 2004, soit juste après la faillite des mines Mcwaters. L'approbation par le BAP du projet de mine à ciel ouvert est-il conditionnelle à la prise de responsabilité du site orphelin par la minière? Pour en savoir davantage, on va discuter avec M. Jean-Sébastien David. Il est vice-président au développement durable chez Osisko. Il est au bout du fil. Monsieur David, bonjour. Bonsoir, Monsieur Gervais. Monsieur David, dites-nous, est-ce que c'est la minière que bon dont vous êtes vice-président là au développement durable, donc Osisko Exploration, qui a proposé à Québec de restaurer, ou si c'est Québec qui vous l'a demandé? Non, nous sommes arrivés avec un projet. Monsieur Gervais, ça fait tout près de un an qu'on travaille le dossier. Nous avons, avant d'explorer plus en détail cette avenue, nous avions rencontré les autorités à Québec pour leur proposer ce qu'on essayait de trouver comme entente. C'est une entente gagnant-gagnant. Ouais. Lorsqu'on s'est aperçu que de l'autre côté de la table, il y avait une très bonne réception au niveau du projet, on s'est mis à travailler ensemble, on s'est mis à mandater des experts et c'est le fruit de l'aboutissement de ce travail de recherche et de négociation. Bon, vous l'avez dit, c'est un projet, en tout cas d'apparence, c'est gagnant-gagnant. C'est un site qui était orphelin, donc qui était sous la responsabilité du ministère des Ressources naturelles ou enfin plus largement de Québec. Et vous allez le restaurer tout en vous débarrassant de vos résidus pour lesquels vous cherchiez justement là un endroit pour les entreposer finalement. Nous avions déjà ciblé un endroit pour l'entreposage. Par contre, lorsque dans les avenues que nous avions, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser un site déjà perturbé par l'activité minière. Et comme je vous dis, je pense que la technologie et l'approche que nous avons proposée faisait en sorte que je pense que c'est dans les deux cas, dans les deux parties, ça faisait notre affaire. C'est clair que c'est conditionnel à la mise en opération de l'usine. Voilà. Donc, maintenant, votre prise de responsabilité, là, parce que c'est là où vous en allez présentement, la prise de responsabilité du site orphelin, est-ce qu'elle est en vigueur maintenant pour votre part? Pas du tout. Ça demeure une responsabilité du ministère. Par la suite, nous allons passer au travers du processus d'acceptation de notre projet. Voilà. L'entente inclut trois années de déposition. Et au bout de la troisième année de déposition, le site va revenir à Corporation minière Osisko. Donc, le ministère va se retirer. Donc, si je résume, c'est de s'assurer que les résidus en présence soit entièrement couvert d'une manière adéquate. Donc, on prévoit 3 ans de travaux de mise en place des résidus par-dessus les résidus de la East Malartic. Maintenant, vous nous avez bel et bien dit que cette entente-là, advenant que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, vis-à-vis peu importe quelle information là obtenue, décidait de refuser le projet à Osisko Exploration, l'entente ne tiendrait plus, c'est exactement ça? Exactement. Voilà. Faut dire que la procédure, le BAP fait un rapport à la ministre. Ouais. Mais c'est pas un rapport décisionnel. Donc, c'est un rapport pour orienter la décision de la ministre. Donc, la décision finale appartient à Québec. Exactement. Mais Québec a tout avantage, si vous décontaminez un site, à ce que cette entente-là ne prenne pas fin, non? Écoutez, nous allons passer au travers de tout l'ensemble des processus. Nous, on suggère ce mode d'opération. On pense que, comme vous le dites, c'est un mode gagnant-gagnant. Nous devons quand même attendre l'ensemble. Je pense que c'est une belle avenue pour tous. Vous avez des résidus là qui sont à découvert depuis plus de 50 ans. Mm-hmm. Donc, on a ici un net avantage d'utiliser une production, celle qu'on propose. D'ailleurs, Monsieur David, prenons quelques minutes pour expliquer un peu le processus là pour les gens qui sont comme moi, enfin un peu néophytes en la matière. Couvrir des résidus qui nuisent avec d'autres résidus, ben là il va falloir nous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est nous sommes en présence présentement d'un résidu qui est quand même problématique. C'est un résidu générateur. C'est un site qui demande une surveillance constante. C'est un site qui n'est pas fermé. Selon la réglementation en vigueur. Ouais. Nous, ce que nous avons proposé, c'est de mettre un résidu qui est non générateur, donc un résidu qui va permettre d'éviter la génération d'acide, donc de fermer adéquatement ce site qui était ouais. problématique. Vous dites générateur. Là encore, là, on va tenter d'aller un peu plus loin. Générateur d'acide, le site tel qu'il est actuellement, le site de la East Malartic, site orphelin, lui est générateur d'acide, c'est ça? C'est reconnu, c'est connu de tous depuis beaucoup d'années. Et vous, ce que vous allez y mettre, enfin, pour recouvrir tout ça, c'est de la pierre, quoi? C'est de la poussière de pierre, donc ce sont des résidus qui va provenir des opérations, qui vont provenir des opérations du projet Canadien de Malartic. Donc, peut-être éclairer vos auditeurs, les résidus qui ont été problématiques, ce sont des résidus qui proviennent de d'autres secteurs. Donc, des résidus, à l'époque, il se faisait du minage à forfait. Mm-hmm. Il y a des résidus, il y a des matériaux qui se faisaient traiter à l'usine de la East Malartic, mais en provenance de Bousquet, en provenance de la mine d'Ouaillon. Donc, ce sont ces résidus-là qui ont rendu le parc problématique. Donc, c'est pour ceux qui se posent la question, comment ça se fait qu'il y a des résidus générateurs dans ce secteur-là, mais c'est parce qu'ils provenaient ouais. d'ailleurs. Maintenant, ça vous prendrait combien d'années sur votre site, votre futur site, enfin, à Malartic, pour être capable de tout recouvrir l'actuel site orphelin là, de la East Malartic? Donc, l'entente, c'est une entente de 6 ans, donc, qui débute aujourd'hui, mais pour, comme je mentionnais, l'opération de mise en place de résidus pour recouvrir adéquatement le site actuel. Mm-hmm. Nous parlons d'opérations qui sur une durée de 3 ans. Et là, vous avez déjà commencé quelques travaux là, sur le site orphelin, semble-t-il. Exactement. Donc, ce qui était important et les travaux, c'était important pour le ministère et nous de s'assurer de solidifier des ouvrages, ouais. de mettre en place du matériel, s'assurer de chemins d'accès. Et ces sommes-là que nous avons investies, dans l'entente, c'est stipulé que si jamais nous n'avions pas les permis, c'est pas de l'argent qu'on allait demander au gouvernement, c'est de l'argent que nous... qui serait laissé en place. On laisserait les travaux en place, mais ce serait quand même un bénéfice pour le gouvernement d'avoir avancé quelques travaux, parce que c'est des ouvrages considérables. On parle de travaux de 23 millions. Voilà, dont vous allez partager les coûts là, avec le ministère, c'est exactement, ça? Exactement. Jean-Sébastien David, vous êtes vice-président au développement durable chez Osisco Exploration. Merci pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir, M. Germain. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir.